cloche sonne derrière nous. Il est 21h. Vous écoutez Radio Radio. Vous faites bien. Nous sommes le 1er avril. Ça alors, c'est pas un poisson, c'est vraiment autre chose. Il est 21h, il est temps d'éteindre la lumière et de dormir si vous vous appelez Noé Joussaint-Larrick. Sinon, je vous conseille de rester à l'écoute de Radio Radio dans les 2 heures qui viennent pour vous délecter de l'épisode 3 de Au pied de la lettre, hors série de vraiment autre chose, où nous nous attaquons à la Nurse with Wound List. Et je ne suis pas seul dans les studios puisque je suis accompagné de l'indispensable et sémillant Guénolé. Bonsoir Guéno. Salut Manu, salut tout le monde. Au pied de la lettre, tentative d'exploration de la Nurse with Wound List. Alors là, vous commencez à connaître l'affaire, c'est le 3e épisode qu'on fait. Pour ceux qui auraient raté les 2 épisodes précédents, bah déjà, je vous conseille de les écouter sur les podcasts de Radio Radio, sur le Mixcloud de Radio Radio, ou en passant par le blog de Vraiment Autre Chose. Vous tapez Vraiment Autre Chose haut et fort sur un moteur de recherche, et vous tomberez sur le blog qui récapitule et qui raconte cette belle histoire de la Nurse with Wound List. Mais cette histoire, je vais vous la résumer rapidement. Nurse with Wound est un groupe qui sort un album en 1978. Dans les musiciens, on retrouve notamment Steve Stapleton. Lui est un féru de musique expérimentale. Depuis 6 à 8 ans, il explore tous les disquaires londoniens et européens, d'ailleurs, à la recherche de pépites. Toujours voilà, à aller voir le disquaire. Est-ce que vous avez quelque chose d'intéressant en avant-garde, quelque chose d'expérimental, quelque chose de différent? Et le gars se constitue une discographie de fou, ce qui lui donne d'ailleurs la vocation de devenir, ben j'ai envie de dire musicien, mais pas vraiment, parce que Nurse with Wound, quand ils sortent leur premier album, le disent très clairement, on n'est pas des musiciens. Voilà, il n'y a pas besoin d'être musicien pour faire de la musique, il suffit de savoir écouter la musique. Donc peut-être que vous-même, en écoutant vraiment autre chose, il y a des vocations qui vont naître. Toujours est-il que cet album-là, Chance Meeting in a Dissecting Table of an Umbrella and a Sewing Machine, Sewing Machine and an Umbrella, pour être précis, cet album contient une liste de 290 musiciens de groupes qui sont les influences, justement ce qu'ils ont écouté, ces non-musiciens, pour devenir musiciens. Et c'est cette liste qui est une espèce de pépite, de mine d'or de choses. On y retrouve certains groupes connus, King Crimson, Frank Zappa, mais surtout énormément de groupes obscurs qui ne seraient peut-être jamais passés à la lumière sans cette liste, parce que cette liste, elle a eu une petite histoire après l'album. Les gens s'en sont emparés, les fans de musique expérimentale s'en sont emparés, et c'est devenu un peu le Graal, la liste à consulter pour trouver tout ce qui pouvait se faire d'intéressant, de nouveau, d'expérimental dans les années 70. Bon, cette histoire, je l'ai déjà racontée. Nous, on s'est dit à vraiment autre chose, qu'on allait attaquer cette liste et faire une série d'émissions spéciales. On va essayer au cours d'une quarantaine d'émissions de vous décortiquer tous les membres de cette liste. On a déjà commencé il y a 2 émissions de cela. On est toujours sur la lettre A. Je suis toujours avec Guénolé et nous avons aussi Tony au téléphone. Bonsoir Tony. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Eh ben, très bien, et ravi de te voir rejoindre l'équipe de cette belle aventure d'Au pied de la lettre. Juste comme ça, en préambule, la Nurse with Wound List, c'est quelque chose que tu connaissais avant qu'on te sollicite pour rejoindre l'aventure? Pas du tout. J'avais déjà entendu parler de Nurse with Wound, mais je connaissais pas cette liste. Je connaissais la liste de Albert Marker, je connaissais la liste de Frank Zappa, mais celle-ci qui est beaucoup plus conséquente. Ok, eh ben, c'est d'autant plus sympa de ta part d'avoir rejoint l'équipe pour cette série d'émissions. Et c'est d'autant plus sympa qu'on a envie d'être aussi sympa et de te laisser la primeur de la découverte. Alors de qui vas-tu nous parler? Eh bien, on va parler de quelqu'un, ça a été un peu dur de trouver des infos pour lui, j'en ai très peu d'ailleurs, de Alan Sondheim. Je ne sais pas du tout quand il est né, j'ai trouvé aucune info. Alors il y a quand même bien longtemps, puisque son premier album date de 67, je crois. C'est qu'il est né en Pennsylvanie, qu'il vit à Providence. Et c'est un personnage très très très curieux. Je vous avoue que je n'ai pas tout compris sur ses travaux. Parce qu'apparemment, à partir de 1994, il s'intéresse au Cybermind et au perplexe, j'ai rien compris, je comprends rien. Il s'intéresse aux travaux de Jacques Lacan, de Jacques Derrida, donc des philosophes. Je suis allé fouiner, je comprends absolument rien à ces trucs. Depuis 94, il y a du texte, cybertexte, des poésies, des photos, enfin c'est un peu monstrueux. Un espèce de journal intime, mais alors il y a des tas et des tas de trucs. Et en plus de ça, donc, il a fait de la musique, ce qui nous intéresse. Donc, pour les curieux, en tout cas, allez voir Alan Sondheim hein, sur l'internet texte, donc, la littérature, la collection de littérature électronique, voilà, qui met en ligne depuis 1994, comme je vous disais, la méditation continuelle sur le cyberspace. Voilà. Donc, ça, c'est tout un sujet complètement fou. Son premier album date de 1967 quand même. Hein. Voilà, donc avec une formation qui s'appelle Ritual All 770. Et apparemment, il est coordinateur, lui, dans ce que j'ai pu comprendre, avec plusieurs musiciens, dont un certain June Sondheim au piano et à la voix. Et je pense que c'est une femme, dans ce qu'on a pu entendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Excusez-moi, je me retrouve. Joël Zabor, percussion, tabla, synthétiseur. John Imai au sax ténor. Greg Hutchinson, flûte piccolo, synthétiseur. Et Paul Phillips. C'est une musique complètement barrée, on va dire ça. Très expérimentale, donc assez vieille de 1967. J'ai choisi deux morceaux. Donc issu de deux albums, donc l'un de 1968 qui s'appelle Tea Over Little Tune. Alors par rapport à mes aventures avec vous, j'ai choisi un morceau qui s'appelle Rock, puisque je vous avais fait des trucs sur le studio Showland très rock'n'roll, donc j'ai choisi Rock par facilité. Et j'ai choisi un autre album, un autre morceau d'un album qui s'appelle The Songs, qui est très très très très bien aussi, et qui est son troisième album. Donc c'est une réédition de 69, je crois. Voilà, des albums et des œuvres musicales qui datent d'avant cette fameuse liste de l'infirmière avec des blessures, de Nurse with One, qui est aussi très étrange. Alors je voulais écrire un texte là-dessus, mais j'ai pas eu le temps. Et puis m'intéresser aussi à Nurse with One, parce que c'est quand même étrange, ce nom de groupe, d'avoir une infirmière avec des blessures. Que fait-elle? Où s'est-elle blessée? Qui soigne-t-elle? On ne sait pas, ça mériterait... un coup d'œil aussi. Voilà, donc je vous laisse découvrir Alan Sondheim et son groupe Ritual All 770. Et bien, comme tu l'as dit, on va démarrer par Rock, donc de l'album Tother Little Tunes, et on continue, si j'ai bien compris, avec un extrait de The Songs. Tout à fait. Et bien, bon, c'est voyage. Parti, et puis on Merci. Te retrouve on te retrouve un à petit peu plus l'heure. Tard. Ciao. Ouais, bon voyage, ciao. Allez, c'est parti. We'll be right back. Thank you. C'était Alan Sondheim à l'instant, un extrait de l'album The Songs. Effectivement, c'est de l'expérimental. Hein. Ouais, clairement, on sent que pour un lecteur de Derrida, on sent qu'il est dans une déconstruction totale, radicale, un peu du blues, parce qu'à chaque fois, ça commence un peu par un petit blues, du Midwest ou je sais pas quoi, et puis il nous retourne tout ça à coup de potard. Ouais, c'est ça. Je me suis penché un peu moi aussi sur Alan Sondheim et son collectif All 770. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est sous ce nom qu'il apparaît dans la liste à la lettre A, sous le nom de All 770. Donc c'est peut-être plus carrément le collectif plutôt que le musicien Alan Sondheim qui est visé et choisi par Stephen Stapleton pour faire partie de cette Nurse With One List. Et cet album, The Songs, je l'ai écouté et je rejoins Tony. Hein, et c'est vraiment excellent. Le titre qu'on vient d'entendre là le montre bien. Et tout le reste, ouais, c'est expé, c'est bizarre. Et en même temps, il y a quelque chose de très, très envoûtant, de très prenant dans cette musique-là. Enfin, j'ai très accroché à cet album moi-même. Bah, je m'y attaquerai alors. Et ben, je te le recommande. Et toi, que nous recommandes-tu d'écouter ? Alors, moi, c'est un groupe allemand, un groupe hambourgeois de Hambourg, donc Alcatraz. Donc, on va retrouver aussi un petit coup de septième bluesy, avec notamment sa grosse guitare fuzz, très fuzzy. Écoutez aussi un peu rock prog, jazz rock, mélange un peu de moments calmes, un peu balade, et puis avec des petites envolées. À la guitare, fuzzy, puis une flûte aussi, une flûte traversière qui est plutôt jazzy. Donc voilà, c'est assez intéressant comme mélange, assez bien foutu, assez cohérent. Et donc là, c'est l'album de 72, Vampire State Building, où l'affiche, on dirait vraiment une affiche de film, je sais pas, un film d'épouvante des années 70, je sais pas, ça a pu être... Je sais pas, peut-être Polanski ou je sais pas qui aurait pu faire ça. Du Giallo. Ouais, Giallo ou peut-être même au début de Brian De Palma, tout ça. Ensuite, alors c'est une formation qui a pas mal bougé. Second album qui s'appelle Energy Programming Rock, il y a eu le départ du bassiste et le départ du flûtiste. Donc il n'y aura plus de flûte après. Flûtiste et il fait aussi du sax. Ensuite, après en 81, il va avoir de nouveau deux départs avec deux autres arrivées. Enfin, en 82, là, ils vont se fixer en trio pendant une quinzaine d'années. Et donc, avec le guitariste et le batteur, qui étaient vraiment les membres originaux, plus un bassiste. Donc, avec cet album, voilà, c'est. J'ai écouté un peu le second album, là, Energy Program Rock. Enfin, vraiment, les deux albums n'ont rien à voir, on sent deux formations distinctes. Et donc là, j'ai choisi pour commencer le second morceau, Your Chance of a Lifetime, où ça commence par une espèce de petite balade légèrement chaotique avec un piano tout posé, une voix trafiquée, enfin saturée, qui va, avec du délai qui va énormément dans les aigus, un peu strident comme ça. Et au fur et à mesure, voilà, cette balade, on sort des sentiers, puis ça finit en gros crotte, comme les Allemands savent si bien le faire. Donc on va s'écouter ce second morceau, Your Chance of a Lifetime, de l'album Vampire State Building. Thank you. Donc voilà, Your Chance of a Lifetime du groupe Alcatraz, donc le second morceau, donc qui est de cet album Empire State Building. Donc voilà, un morceau qui est assez scindé en deux, comme vous avez pu le constater. Et puis pour suivre ce morceau, j'ai choisi le morceau qui suit dans l'album. Vous voyez comme je suis super audacieux. Alors ce morceau s'appelle Where the Wild Things Are. Donc là, on aura le sax, quoi, le flûtiste prend le sax. Donc voilà, ça commence avec une batterie assez énergique, voilà, qui augure le morceau. Très, très blues, grasse, je sais pas, crunchy. Et à la fin, ça finit où la guitare et le sax s'entremêlent, voilà, où ils forment une espèce d'imbroglio entre les deux. Et puis, ils nous permettent de nous offrir un beau final. Donc je vous propose ce troisième morceau du groupe Alcatraz, Where the Wild Things Are, de l'album Empire State Building. We'll be right back. Alors moi, mon cher Guénolé, je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de te dire, mais j'ai un amour inconditionnel pour le fade out. C'est vraiment... Quand on ne sait pas comment finir un morceau, on le finit en fade out. Et voilà, le fade out, hein, pour les non-initiés, c'est ce qui consiste à terminer un morceau en juste en baissant le son, quoi. Au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure. Et c'est quelque chose qui était très usité dans les années 70. On ne savait pas trop comment achever quelque chose et on achève en fade out. Sorti de cette petite pique, sincèrement, très très chouette morceau. Je vais te poser... une question qui me brûle les lèvres, on a de la guitare fuzz, on a affaire à un groupe allemand, est-ce qu'on peut parler de krautrock? Non, j'essaie de regarder si c'est un jeu de mots, mais non, ah non, y non, en non a pas du tout. Ah, c'était une question, tu veux dire, une question sérieuse. Ouais, j'ai toujours du mal à comprendre ce terme krautrock, à la base est un terme assez péjoratif, je crois, parce que le rock choucroute, c'est un peu pour se moquer des Allemands, quoi, ils font du rock choucroute. Et puis, je crois qu'il y a pas mal de groupes allemands qui se sont emparés de ce terme péjoratif pour en faire une marque de fabrique. Ouais. Et est-ce que tu aurais classé Alcatraz là-dedans? Non, clairement non. Et c'est vrai que c'est plus... j'ai fait un amalgame Allemagne rock rock progressif grand rock quoi, mais non, parce que c'est vrai que souvent on met souvent le hashtag grand rock, mais c'est vrai que on peut pas dire qu'il soit vraiment du gros rock progressif comme les Amandule ou les choses comme ça, ou du gros rock psychédélique. C'est une espèce d'assemblage de deux. Ouais, vraiment cette guitare très fuzzy qui est tout le temps présente, puis des fois des moments de balade, et puis des moments très blues, et puis quand même un petit côté progressif pour napper le tout. Quoi. Tu connaissais Nico? Non, je ne connaissais pas. Et j'en profite pour te dire bonjour d'ailleurs. Salut. Tout à fait. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nico, on continue un peu cette exploration de Nurse With One List sur la lettre A. Que vas-tu nous faire découvrir ou redécouvrir en l'occurrence ce soir? Ah, aujourd'hui je vais vous laisser découvrir quelque chose qui n'a rien de tout à voir avec le rock choucroute, pas du tout. On va y aller vers l'Angleterre, justement de l'autre côté de la canal, avec Art Bears. Orbeers prenant forme sur les ruines de Henry Cow, l'un des groupes les plus importants et les plus audacieux de la scène de Canterbury. Orbeers s'est appuyé sur l'aventure musicale de Henry Cow, mais a opté pour une approche plus basée sur la chanson. La tendance marxiste prédécesseur de Beers est restée, mais elle s'exprime de manière plus subtile et plus discrète, ou plus directe, peut-être mieux. Le vrai Orbeers est apparu pendant l'enregistrement de ce qui était censé être le cinquième album de Henry Cow, Western Culture. Il était évident dès le début de la direction que prenaient de nombreuses chansons étaient celles du territoire de chansons. Après les premières sessions, il était décidé que du matériel supplémentaire devait être enregistré et publié sous le nom de Orbeers. Les deux tiers du trio sont responsables de cette orientation, c'est-à-dire le batteur et parolier Chris Cutler et le guitariste, bassiste, clavieriste et violoncelliste Fred Frith. Ces pièces complémentaires étaient Terrain, The Tube, The Dance et Pierce. C'est ce qu'on va faire maintenant, d'écouter le morceau de Tube qui venait de leur premier album Hopes and Fears qui était sorti en 1978. The Tube, donc tiré de Open Fears, premier album de Heartburst. Bon, là, on ne se pose pas la question de l'étiquette, c'est ce qu'on appelle du Rock in Opposition, ce mouvement qui a été créé par le groupe Henry Cow, en invitant 5 groupes européens à participer à un festival à Londres, un festival qui deviendra un mouvement, qui deviendra une mouvance. C'est une histoire qu'on a racontée dans Vraiment Autre Chose il y a peut-être 8 ans de ça. Je vous parlais du blog de Vraiment Autre Chose. Ben, je vous invite à vous y rendre pour écouter une émission spéciale qu'on avait fait qui s'appelait La Nuit du Rock in Opposition. Où on racontait justement l'histoire d'Henry Cow, groupe de Canterbury Rock, effectivement, et puis qui prend une dimension politique dans les textes, notamment, et l'arrivée de musiciens et de musiciennes, qui est c'est un groupe où il y a 3 musiciens et 3 musiciennes sur leurs albums à suivre, et ce fameux split sur la fin de leur histoire avec d'un côté Timon Glinson et Lindsey Cooper, qui compose l'album Western Culture pendant que Fred Frith et Chris Cutler s'attaquent à Heartburst. On est sur un groupe engagé, n'est-ce pas, camarade Nico? Tout à fait, c'est vraiment ça. C'est peut-être encore une chose que dans cette époque-là, c'était beaucoup des groupes ont encore quelque chose à dire, qu'il y a vraiment un message dans leur musique. C'est pas uniquement l'aspect musical qui est intéressant, mais aussi le message à transmettre au public. Ça, c'est ce qu'on a plus maintenant, ou beaucoup moins maintenant, j'ai l'impression. Ouais, le message et puis l'activisme, voilà, ça, c'est des concerts, beaucoup de concerts militants, prêts à jouer un peu dans n'importe quelles conditions, tant que c'était pour soutenir une bonne cause, une grève ou une manif, ou et puis vraiment l'intention formelle dictée par Chris Cutler de tenter de changer le monde en changeant la musique, quoi. C'était un petit peu ça, Rock in Opposition. Tout à fait. Et une chose que je me suis toujours posé la question, parce que comme Chris Cutler, Fred Frith, c'était quand même 2 musiciens fort occupés dans cette période-là à Londres, et aussi Nancy Toon était à ce moment-là basé encore à Londres. Pourquoi qu'ils n'ont jamais fait quelque chose ensemble? Ça, j'ai jamais compris. Tu as peut-être une explication pour ça? Non, pas du tout. J'ai lu, je me suis acheté récemment une compilation que je vais d'ailleurs recommander à tous nos auditeurs qui veulent plonger un petit peu plus dans la Nurse With One List. C'est un label qui s'appelle Finder Keepers qui a sorti une compilation qui s'appelle Strain, Crack and Break. Et qui est ils ont sorti le volume 1 il y a 2 ans et on attend encore le volume 2. Je ne sais pas s'il y en aura un. En tout cas, le volume 1, il est achetable en disque et écoutable sur l'internet. Et pour le coup, ce volume 1, eux, ils n'ont pas fait lettre par lettre, ils font plutôt par pays. Donc le volume 1 est uniquement sur la France. Mais dans le petit booklet, il y a une petite interview de Steve Stapleton qui rend hommage à Chris Cutler, non seulement pour ce qu'il a apporté à la musique, mais aussi pour cette dimension politique qui, effectivement, s'est faite de plus en plus rare avec le temps, comme tu l'as bien souligné, cher camarade. Mais j'ai pas d'explication sur le fait qu'il n'y ait jamais eu de collaboration formelle entre les musiciens d'Henry Cow ou de Heartburst avec Steve Stapleton. Heartburst s'est reformé d'ailleurs. Hein. J'ai eu l'occasion, moi, dans un festival Rock in Opposition à Carmo, de voir une reformation de Heartburst sous le nom Heartburst Songbook, avec les trois musiciens d'origine, les 2 que tu as cités, puis on l'a pas cité, Dagmar Krause au chant, voilà. Cette voix si particulière, si prenante. Et accompagné de d'autres musiciennes de très haute volée, comme par exemple Carla Kilsteld de Sleepy Time Gorilla Museum. Mais je me mets à faire du name dropping moi-même, donc je vais arrêter. Mais voilà, tout ça pour dire à nos auditeurs, voilà, je me permets de renforcer ton propos pour dire que vraiment Heartburst, c'est un groupe à découvrir, à écouter, un groupe vraiment majeur. Du reste, Henry Cow fait partie de la Nurse With One List. Est-ce que Henry Cow fait partie de cette liste? J'ai un trou oui, d'un oui, coup. Oui. Ah ben chic, ça veut dire qu'on en reparlera. Oui. Parce qu'il y a aussi sur la liste, il y a Chris Cutler et Fred Frith aussi qui revient dans plusieurs autres formations. Oui. Eh ben c'est mais parfait. Henry Cow soi-même aussi, ils sont dans la liste. Ouais. Eh ben, on n'a pas fini d'en parler, et puis c'est tant mieux. 3 albums seulement, Heartburst, mais qui sont vraiment fondamentaux. Open Fears, Winter Songs, and The World as It's Today. Dur à prononcer, mais hyper agréable à écouter. Moi, c'est un peu mon préféré. Et très, très recommandable. Chers amis auditeurs, jetez-vous sur l'œuvre de Heartburst, vous ne serez pas déçus. Et aussi, il faut savoir que tous les 3 albums sont tous sortis sur le label Re Records, et c'est un label que lequel Chris Cutler a fondé en 78 spécialement pour toute l'œuvre de Art Beers. Et puis pour d'autres projets personnels de Chris Cutler aussi, mais initialement c'est vraiment uniquement pour Art Beers qu'il a créé ce label là. Donc pour les 3 albums, et je pense qu'il y a 3 ou 4 7-inch qui sont aussi réalisés. Mais ça reste un groupe fantastique. Et comme tu disais aussi, comme je n'ai pas encore annoncé, il y a aussi la chanteuse allemande Dagmar Krause qui chantait avec Henry Cow depuis son premier disque en collaboration avec Slap Happy, parce qu'elle était membre de Slap Happy à l'époque. Une grande partie responsable du caractère distinctif des derniers Henry Cow et Art Beers. Dagmar a aussi un style de chant quasi opératique, allant de l'expression la plus totale à la retenue et à la répression, un mariage parfait avec les textes et de la musique qui les accompagne. Et je pense pour clôturer, on va écouter un morceau qui est beaucoup plus joyeux, moins intellectuel. C'est le morceau qu'on le trouve sur l'album Winter Songs qui s'appelle Rats and Monkeys. Eh bien, c'est parti, et puis on te retrouve un petit peu plus tard, cher camarade. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Vous êtes sur 106.8 et vous écoutez Radio Radio, c'est vraiment autre chose, la petite émission musicale, d'ordinaire d'obédience progressive, mais là depuis trois éditions, on s'attaque à la Nurse with One List, alors on n'a plus d'obédience vraiment, c'est d'obédience expérimentale, free, krautrock, rock in opposition, progressive aussi, XP, free jazz, il y a toutes les musiques se retrouvent. Il y a même de la chanson, mais on verra beaucoup plus tard. C'est très riche, cette Nurse With Wound list, et c'est ce qu'on vous propose de découvrir avec nous, parce qu'on va pas se mentir, il y a quelques groupes qu'on découvre en même temps que vous. Et c'est un grand plaisir d'aller voir un petit peu tout ce qui a pu se faire d'underground, de bizarre, d'avant-garde et d'étrange dans les années 70. À l'instant, grâce à l'ami Nico Bogertz, d'ailleurs, je parlais de Radio, mais je peux un peu parler aussi de Radio Panique. C'est la radio où officie notre camarade Nico Bogertz avec son émission Mokrel Slow. Je crois que ça veut dire salade de macro, si je dis pas de bêtises. Alors lui, ça fait un moment qu'il officie et ses émissions sont d'extrême bonne qualité. Elles s'écoutent sur Internet. Donc voilà, si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à écouter la douce voix de notre camarade Nico dans Mokrel Slow sur Radio Panique. À l'instant, c'était donc Heartburst. On a écouté un extrait de Winter Songs, le premier album de ce trio britannique détonnant. Donc je n'aurai de cesse de vous recommander l'écoute de l'intégralité de leur œuvre, tellement c'est une œuvre qui, ma foi, fait date. On va maintenant passer à Robert Ashley. Bon, alors moi, c'est pareil, c'est une complète découverte. C'est aussi le jeu et le sel de vous proposer... de cette liste, c'est que nous-mêmes, on est amené à découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Robert Ashley est un compositeur de musique expérimentale. Il est né à Michigan en 1930, étudie à la Manhattan School de musique et surtout, il fonde un collectif de musiciens et de réalisateurs qui s'appelle le Once Group, qui finit même par former un festival. Et il écrit des musiques de films, notamment, et ce qu'il appelle des mixed media opéra, c'est-à-dire qui vont mélanger de la musique et du texte, et voire même plus tard de la télévision. Et ça, c'est assez étrange. Hein, dans les années 80, c'est fou comment les télévisions américaines étaient audacieuses à l'époque. Il lui commande carrément un opéra télévision. J'en ai vu quelques extraits. C'est assez dingue, cette façon de faire de la télé. Ça n'existe plus du tout maintenant. C'est vraiment des images zappées un peu bizarres, avec une musique elle-même plutôt expérimentale et bizarre par-dessus. Je crois que d'ailleurs la télé américaine, au bout d'une dizaine d'épisodes, lui a dit bon ben ouais non mais en fait ça va aller, en fait non mais désolé Coco, mais les audiences suivent pas. Mais cela dit, ça a été repris dans pas mal de télé européennes, et c'est plutôt en Europe que Robert Ashley a trouvé son succès. Le tout premier album de Robert Ashley, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, parce que c'est probablement ce qui lui vaut la présence dans cette Nurse With Wound list, s'appelle In Sarah, Mencken, Christ and Beethoven, There Were Men and Women. Il sort en 1974, et c'est basé sur un poème très long, du poète John Barton Wolgamott. Et c'est un poème assez étrange. J'ai envie de parler un peu de poème de poète lettriste. Ça joue vachement sur les rythmes. En fait, c'est 128 strophes qui sont à peu près tout le temps la même strophe, à part qu'il y a des noms propres qui changent chaque fois. Il y a des variations, voilà. C'est la même strophe répétée, mais avec tout le temps des variations. Alors, le plus souvent sur les noms propres, mais aussi sur les adverbes. Et ça donne quelque chose de hyper... comment dire, envoûtant, ouais, peut-être même presque trance. Derrière, il y a de la musique, il y a du moog, et un petit peu de bidouillage sonore, mais pas trop. Et ce sont des longues pistes, que je me souviens bien, c'est Paul de Marinis qui est au moog, et Robert Ashley, lui, récite, scande ce poème. Et c'est un voyage assez étrange d'une quarantaine de minutes, quoi, deux phases de 20 minutes chacune. Moi, j'ai été vraiment sous le charme de ce que cette musique peut provoquer au corps et à l'esprit. Voilà, donc j'ai voulu partager avec vous ce charme. À noter que je vous disais que Robert Ashley trouvait plutôt succès en Europe. C'est un label italien, le label Cramps, qui était le label du groupe Area, dont on a parlé dans la première édition de ces Au pied de la lettre, qui a sorti cet album-là. Donc voilà, Robert Ashley et Paul de Marinis, In Sarah Mencken, Christ and Beethoven, There Were Men and Women. Je vous offre, chers amis auditeurs, un petit voyage d'une vingtaine de minutes, et puis on se retrouve juste après. Alors accrochez vos ceintures et bon voyage. In its very truly great manners of Ludwig van Beethoven, very heroically, the very cruelly ancestral death of Sarah Powell Howard had very ironically come amongst his very really grand men and women, de Raphael, Sabatini, George, Ade, Margaret Storm, Jameson, Ford, Maddox, Huber, Jean, Jacques Bernard, Louis Bromfield, Friedrich Wilhelm Nietzsche, and Helen Brown Norden, very titanically. In her very truly great manners of John Barton Walcott, very heroically, Helen Brown Norden had very originally come amongst his very really grand men and women, de Lodovico Ariosto, Solon, Matteo, Mario, Bajardo, Filo Judeas, Roger Bacon, Longus, Simeon Strunsky, and Johann Wolfgang von Goethe, very titanically. In their very truly great manners of John Barton Walcott, very heroically, Thomas Stearns, Eliot, Robert Southey, Edward John, Morton, Drax, Plunkett, Dunsany, Charles Ludwig Dodson, Arthur Schopenhauer, Blaise Pascal, George Morris, Corin, Brandes, and Jonathan Swift did very sarcastically come amongst his very really grand men and women, to Gertrude Allain, Mary McBrady, very titanically. In his very truly great manners of Helen Brown Norton, very heroically, Walcott as God had very magnificently come amongst her very really grand men and women, to Gaius, Plinius, Secundus, Bion, Origenes, Adamantius, Democritus, Phidias, Jussus, Pietro Aventino, and Michelangelo Buonarroti, very titanically. In her very truly great manners of Johannes Brahms, very heroically, Sarah Paula Hart had very allegorically come amongst his very really grand men and women, to Clarence Day Jr., John Donne, Ruggiero Leoncavallo, James Owen Haney, Gustav Frenson, Thomas Beer, Joris Karl Usman, and Franz Peter Schubert, very titanically. In their very truly great manners of Willis Siebert Cather, very heroically, William Sidney Porter, Lawrence Stern, Algernon Charles Swinburne, Percy Bysshe Shelley, Walter Savage Landor, Thomas Gray, Tobias George Smollett, and Helen Brown Norton had very ironically come amongst her very really grand men and women, to William Shakespeare, very titanically. In her very truly great manners of Wilhelm Richard Wagner, very heroically, Sarah Powell Hart had very allegorically come amongst his very really grand men and women, to Jakob Liebman, Bayer, Ernst Kronert, John William Thomason Jr., Winifred Ashton, Herbert Ashbury, Wilson Follett, Maury Callahan, and Johann Sebastian Bach, very titanically. In their very truly great manners of Theodore Joseph Conrad Korzeniowski, very heroically, Gertrude Allain, Mary McBrady, and John Barton Walcott had very sardonically come amongst his very really grand men and women, to Gamaliel Bradford, Anne Green, William Hervey Allen Jr., Washington Irving, Pierre Cornet, Arthur Schnitzler, Marie Sandow, St. John Greer Irvine, and Herman Melville, very titanically. In their very truly great manners of Helen Brown Norton, very heroically, Hans Christian Andersen, Henri Bergson, Niccolo Di Bernardo, Machiavelli, Kenneth Graham, Charles William Beebe, Thomas Dixon, George Edward Bateson, Saintsbury, and Beethoven as God had very maliciously come amongst her very really grand men and women, to John Barton Walcott, very titanically. In his very truly great manners of Gertrude Allain, Mary McBrady, very heroically, Thomas Hardy had very sarcastically come amongst her very really grand men and women, to Arthur Stewart, Mendeth Hutchinson, Charles Reed, Edmee Elizabeth, Monica de la Pasteur, James Brander Matthews, Emil Ludwig, Anne Parrish, Pierre Augustine Caron, and John Barton Walcott, very titanically. In his very truly great manners of Berenice Anne Bonner, very heroically, John Barton Walcott had very wonderfully come amongst her very really grand men and women, to Thomas Lovell Bedham, George Grove, James Justinian Morier, Emily Price, Jean Cocteau, Al Caius, Sturluson Snorri, and Helen Brown Norton, very titanically. In their very truly great manners of Helen Brown Norton, very heroically, Archimedes, Plato, Quintus Horatius Flaccus, Aristotle, Epicurus, Anacreon, Aeschylus, Sophocles, Pericles, Socrates, Euripides, and Sarah Powell Hart had very ironically come amongst her very really grand men and women, to Aristophanes, very titanically. In its very truly great manners of Romain Rolland, very heroically, the very ancestrally inevitable performance of Jean-Baptiste Poquelin had very symbolically come amongst his very really grand men and women, to Aldous, Leonard Huxley, James Boyd, Vittorio Alfieri, Leon Fichtwanger, Harold McGuire Davis, and Helen Brown Norton, very titanically. In her very truly great manners of John Barton Walcott, very heroically, Helen Brown Norton had very sincerely come amongst his very really grand men and women, to Jerome Klapka, Jerome Conrad Richter, Alfred Victor de Vigny, David Ricardo, Remy de Gourmand, and Jacques Anatole Thibault, very titanically. In their very truly great manners of John Barton Walcott, very heroically, John Greenleaf Whittier, Frank Wedekind, Mary Wollstonecraft Godwin, Charles Perrault, Knut Peterson Hamsun, and Samuel Longhorn Clemens had very gaily come amongst his very really grand men and women, to Ruth Maxine Martin, very titanically. In his very truly great manners of Sacco, very heroically, Edgar Allan Poe had very sinisterly come amongst her very really grand men and women, to Claude Jernet Bowers, Thomas Kidd, Oliver Wendell Holmes, Stella Embry, Truman Jesse Moon, and Henry Fielding, very titanically. In her very truly great manners of Gustave Flaubert, very heroically, Helen Brown Norton had very altruistically come amongst his very really grand men and women, to Benjamin Johnson, Franz Werfel, wonderful Grazia Deledda, Joan Giono, Richard Damo, and Christopher Marlowe very titanically, in their very truly great manners, and Helen Brown Norton very heroically, Henrik Johan Ibsen, William Wordsworth, Gotthold Ephraim Lessing, Eleanor Gwynn, Hippolyte Adolf Taine, and Pearl Seidenstricker had very sensitively come amongst her very really grand men and women to George Moore very titanically, in his very truly great manners of Helen Brown Norton very heroically, Roland S. Beethoven had very bullishly come amongst her very really grand men and women to Whiston Hugh Auden, Phaedrus, Frederick Gustavus Burnaby, Babette Deutsch, Duncan Akeman, and John Barton Walgamott very titanically, in his very truly great manners of Ruth Maxine Martin very heroically, Benvenuto Cellini had very imaginatively come amongst her very really grand men and women to Pater O'Donnell, Anne O'Hare, Lloyd Castle Douglas, William James, Albert J. Nock, and John Barton Walgamott very titanically, in their very truly great manners of Eleanor Hoyt very heroically, Samuel Taylor Coleridge, William Congreve, Richard Bensley Butler Sheridan, George Gordon Byron, James Russell Lowell, and John Barton Walgamott had very unquestionably come amongst her very really grand men and women to Berenice Ann Bonner very titanically, in his very truly great manners of Helen Brown Norton very heroically, Jean-Baptiste Bogart very homogeneously come amongst her very really grand men and women to Gladys Bronwyn Stern, Earl Spine, Louis-Marie Julien Viau, Martha Ostenso, Manuel Komroff, and Walter Scott very titanically, in its very truly great manners of Jesus Christ very heroically, the very wantonly pitiless carnage of Ringo Wilmer Lardner had very freely come amongst his very really grand men and women to Madeleine Discadary, John Fletcher, Harriet Elizabeth Beecher, Mary Borden, William Langland, and Berenice Ann Bonner very titanically, in her very truly great manners of Ringo Wilmer Lardner very heroically, Berenice Ann Bonner had very happily come amongst his very really grand men and women to Eugene Marie Labiche, Maud Howe, William Temple Hornaday, Richard Wright, Alexis Carroll, and John Barton Walgamott very titanically, in their very truly great manners of Jesus Christ very heroically, Marie Rosalie Bonheur, Joseph Herkesheimer, Anne Louise Germaine Necker, James Branch Campbell, August Wilhelm von Schlegel, and Francis Gertrude Fiedler had very ironically come amongst his very really grand men and women to James Fenimore Cooper very titanically, in his very truly great manners of Sarah Paul Hart very heroically, Jesus Christ had very intolerably come amongst her very really grand men and women to Torquato Tasso, Menander, Claude Henri de Saint-Simon, Samuel Smiles, Carolyn Beach, and Catherine Jane Lightbody very titanically, in her very truly great manners of Sarah Paul Hart very heroically, Berenice Ann Bonner had very ironically come amongst her very really grand men and women to Henry Seidel Canby, William McPhee, Pietro Di Donato, Eleanor Mersenne, Johann David V, Franklin Brown Norden very titanically, in their very truly great manners of Berenice Ann Bonner very heroically, Michelle Came de Montaigne, Heinrich Heine, Publius Ovidius Naso, Anne Douglas Sedgwick, Charles Erskine Scottwood, and John Barton Walgamott had very altruistically come amongst her very really grand men and women to Jesus Christ very titanically, in his very truly great manners of Berenice Ann Bonner very heroically, Christ as Son had very proudly come amongst her very really grand men and women to Benito Perez Galdos, Carlton Beals, Thomas Wentworth Higginson, Louise Jordan, Pelham Grenville Wodehouse, and Ringgold Wilmer Lardner very titanically, in his very truly great manners of John Barton Walgamott very heroically, Jesus Christ had very ironically come amongst his very really grand men and women to Richard Henry Dana, Patrick Colum, Alfred Damon Runyon, George Frisbee Witcher, Harry Leon Wilson, and Ringgold Wilmer Lardner very titanically, in their very truly great manners of Jesus Christ very heroically, Geoffrey Chaucer, Rupert Brooke, Francis Scott Key, Fitzgerald, John Milton, William Henry Hudson, and Ruth Maxine Martin had very extraordinarily come amongst his very really grand men and women to Berenice Ann Bonner very titanically, in her very truly great manners of Berenice Ann Bonner very heroically, Eleanor Hoyt had very beautifully come amongst her very really grand men and women to Moses Mendel, John Ford, Arthur Thomas Quiller Couch, Ruth Finer, Alfred Noyes, and Jesus Christ very titanically, in his very truly great manners of Sarah Paul Hart very heroically, Dante Alighieri had very superbly come amongst her very really grand men and women to George Edward Woodberry, Charles Angoff, Pierre Charlet de Chamblain de Marivaux, Pietro Mascagni, John Addington Symonds, and Henry Louis Mencken very titanically, in his very truly great manners of John Barton Walgamott very heroically, Henry Louis Mencken had very sinisterly come amongst his very really grand men and women to Richard Le Gallienne, Zane Grey, Martha Ellis Gellhorn, Francis Hackett, Jacques-Louis David and Kathleen Beauchamp, very didactically, in his very truly great manners of Sarah Powell Hart, very heroically, Mencken as Beethoven, and very hypocritically come amongst her very really grand men and women to David Leslie Murray, Charles Kingsley, Tiziano Pacello, Oliver Goldsmith, James Thomas Farrell, and Henry James, very titanically. In their very truly great manners of Henry Louis Mencken, very heroically, Henry Brooks Adams, Francis Bacon, Giuseppe Fortunino, Francesco Verdi, James Boswell, Nicholas Finchel Lindsay, and William Cullen Bryant had very merrily come amongst his very really grand men and women to Sarah Powell Hart, very titanically. In his very truly great manners of Willa Siebert Cather, very heroically, James Joyce had very analytically come amongst her very really grand men and women to Philip Guidella, Apelles, Federico Garcia, Lorca, Olav Dune, Per Lawrence, and Homer, very titanically. In her very truly great manners, Florence Nightingale, very heroic. Sarah Powell Hart had very generously come amongst her very really grand men and women to Shane, John, Randolph, Leslie, Nancy Hale, Charles Marie, René Leconte de Lille, Julia Moody, Jakob van Rijsdal, and Hugh Seymour Walpole, very titanically. In his very truly great manners of Sarah Powell Hart, very heroically, John Barton Walcamot had very playfully come amongst her very really grand men and women to Walter Lionel George, Chalamash, Domenico Zambieri, Alfred Tennyson, Granville Stanley Hall, and Henry Louis Mencken, very titanically. In their very truly great manners, Henry Louis Mencken, very heroically, William Butler Yeats, Hermann Zitterman, Claude Gilles Debussy, Joseph Addison, Elizabeth Garrett, and Willa Siebert Cather had very proudly come amongst his very really grand men and women to John Barton Waldemar, very titanically. In her very truly great manners of Emily Jane Bronte, very heroically, Sarah Powell Hart had very merrily come amongst her very really grand men and women to Edward Meyer, Thomas Moore, Samuel Hopkins Adams, Andre Duren, Michael Sadler, and John Barton Waldemar, very titanically. In its very truly great manners of Henry Louis Mencken, very heroically, the very brutally exigent name of Sarah Powell Hart had very genuinely come amongst his very really grand men and women to Henry Wilhelm von Lohm, Carol Chopic, Percival Christopher Rand, Leonard Miller, Stephen Vincent Benet, and John Barton Waldemar, very titanically. In her very truly great manners of Helen Brown Jordan, very heroically, Armandine Lucille, Rob Dupin, had very currently come amongst her very really grand men and women to Frank Hamilton, Spearman, Whit Burnett, Charles Grandison, Finney, Sheila K. Howe, Dalton Trumbo, Edward Elgar, John Sager, Sergeant Lee McWill, Lederante Salvador, very titanically. In his very truly great manners of Sarah Paul Hart, very heroically, Tomas Mann had very strongly come amongst her very really grand men and women to Harold Joseph Lasky, Nora Wall, Amede, Simon, Dominique Thierry, Richard Henry Horn, Samuel Lover, Jan van Eyck, Frederick Delius, and John Barton Waldemar, very titanically. In his very truly great manners of Helen Brown Norton, very heroically, Zola as Christian had very practically come amongst her very really grand men and women to Vladislav Stanislav, Raymond, Joel Sayre, Alessandro Di Mariano, Di Filippi, Jean-Jacques Rousseau, Sidney Lanier, Elias Howe, Anthony Trollope, and John Barton Waldemar, very titanically. In their very truly great manners of Charlotte Bronte, very heroically, Werner von Heidenstam, Hans Otto Storm, Robert Alexander Schumann, Jan van der Meer, Samuel Richardson, Herbert Spencer, Henry Major Tomlinson, and Theodore Dreiser had very proudly come amongst her very really grand men and women to Helen Brown Norton, very titanically. In her very truly great manners of Jean-François Marie Adelaide, very heroically, Armandine Lucille Arrault de Pen had very fiercely come amongst his very really grand men and women to Manuel de Falla, Jane Porter, Teresa de Thévenot, Georges Duhamel, Heliodorus, Jacob Jordan, Prosper Mérimée, and Honoré Balzac, very titanically. In their very truly great manners of Marianne Evans, very heroically, Sarah Paul Hart and John Barton Waldemar had very conveniently come amongst her very really grand men and women to Eric Leslie Satie, Vicky Baum, Francis Charles Clayton, Yates Brown, Flavius Josephus, Rudolph Pitson, John Rowlands, Camille Pissarro, and William Makepeace Thackeray, very titanically. In her very truly great manners of John Galsworthy, very heroically, Armandine Lucille Aurore Dupin had very interpretively come amongst his very really grand men and women to Baruch Espinosa, William Blake, Edward George, Earl Lytton Brewer, Edgar Lee Masters, David Ross Locke, Paul Villar, Cesar Auguste Croc, and Charles John Huffam Dickens, very titanically. In their very truly great manners of Eugene Gladstone O'Neill, very heroically, William Vaughan Moody, Edward Lear, Charles Cullen, Sanson, Archie Bin, Isabel Bowler, John Dryden, Frank Arthur Swinnerton, and Victor Marie Hugo had very gallantly come amongst his very really grand men and women to Leonardo di Serpiero, D'Antonio di Serpiero, di Ser Guido da Vinci, very titanically. In his very truly great manners of Helen Brown Norton, very heroically, Walcamart as man had very disillusionedly come amongst her very really Billy Grant, Men and Women to Richard Doddridge, Blackmore, Denis Diderot, Barthelme, Esteban Murillo, Gustave Charpentier, Thomas Clayton Wolfe, James Mellahan Kane, Susan Bogart Warner, and Marie Only Bale, very titanically, in their very truly great manners of John Carton Walnut, very heroically, Charles Langbridge Morgan, Guido Bainey, John Julius, Christian Sedin, Robert Burness, Matthew Anderson, Pierre Francis, Joaquin Pinto, David A. Sinclair Lewis, and very ironically, coming up to his very really grand Men and Women to Sarah Polhart, very titanically, in her very truly great manners of John Carton Walnut, very heroically, Helen Brown Norton, had very sinisterly come amongst his very really grand Men and Women to Alfred Percival Grace, Ethel Mannon, Giacomo Daddy Viola, Engelbert Huffington, Oidacious Clinton Scholard, Andre Marie Alpierre, and Francois Rabelais, very titanically, amongst very truly great manners of Amy Lee Duran, Charlotte Manzola, very heroically, very meditatively, companionable, Mother Divine, and Dean Lucio, Arlo Dupin, had very ironically come amongst his very really grand Men and Women to John Carton Walnut, Laurent Spelman, Paul Cézanne, Francois René de Chateaubriand, Henry Purcell, Richard Mansfield, and Gertrude Alley, Mary McGrady, very titanically, and her very truly great manners, and Helen Brown, Norman, very heroically, Francis Gertrude Peter, had very politely come amongst her very really grand Men and Women to Frank Lucius Patrick, Eugene Brigger, Roach, Pitney, Wycliffe Bradford, Carl Lamson Kerner, Friedrich von Falkau, and Alexandre Dumas, David de la Paix Lettery, very titanically, and his very truly great manners, Gertrude Alley, Mary McGrady, very heroically, Maurice Macallan, Henry Cook, Kepitney, from amongst her very really grand Men and Women to Eric Phil, Brooke Kelly, Martha Foley, Herman Edouard Van Holst, Nicholas Poussin, Pierre Van Passen, and John Carton Walnut, very titanically, and his very truly great manners, and Helen Brown Norton, very heroically, swift as Walnut, and very logically come amongst her very really grand Men and Women to Anne Brown, Francois Prévost, Julian Green, Joseph Mallard, William Turner, Lewis Wallace, James Whitcomb Riley, and John Carton Walnut, very titanically, and their very truly great manners, of Kathleen Beauchamp, very heroically, Ellen Alexander Milne, Richard Steele, Gioacchino, Antonio Rossini, Charles Lamb, Henri René, Albert Guida Mapassant, William Dean Howells, had very proudly come amongst her very really grand Men and Women to Helen Brown Norton, very titanically, in her very truly great manners, of Ruth Maxine, Francis Kirkwood, Peter, had very ironically come amongst her very really grand Men and Women to Eugene, Victor Debs, Pendar, Baldessari Castiglione, Carol Goldmark, John Drinkwater, and George Bernard Shaw, very titanically, in his very truly great manners of George Meredith, very heroically, Paul Gauguin, had very wildly come amongst his very really grand Men and Women to Margaret Kennedy, Olan Russell, Harley Granville Barter, Peter Broida, Annette Bertocci, and Lynn Somerset Maugham, very titanically, in their very truly great manners of Helen Brown Norton, very heroically, Gertrude Alley, Mary McGrady, and John Burton Waldham, had very originally come amongst her very really grand Men and Women to Henri Benjamin de Constant, Francis Beaumont, Il Beato Fraguito Angelico, Joseph Lincoln Stephens, Gilbert Keith Chesterton, and Enoch Arnold Bennett, very titanically, in their very truly great manners of Herbert George Wells, very heroically, Maurice Henry Hewitt, Alphonse Daudet, Frédéric Francois Chopin, Mary Lamb, Luigi Pirandello, and Jane Austen, had very subtly come amongst his very really grand Men and Women to David Herbert Lawrence, very titanically, in her very truly great manners of John Martin Waldemar, very heroically, Helen Brown Norton, had very coquettishly come amongst his very really grand Men and Women to Georges Seurat, Thales, Lisandro Manzoni, Elie Faure, Jules Renard, and Gertrude Alley, Mary McGrady, very titanically, in its very truly great manners of Jack Edward Swift, very heroically, the very memorably devoted attention of Francis Gertrude Beaver, had very savagely come amongst his very really grand Men and Women to Rudyard Kipling, Firmin Auguste Renoir, Frank Norris, and Stephen Crane, very titanically, in her very truly great manners of Edith Nibbles Jones, very heroically, Sarah Powell Hart, had very excitingly come amongst her very really grand Men and Women to Mary Findlater, John Maysfield, James Abbott McNeil Whistler, Artis Fisher, Kenneth Roberts, and Nathaniel Hawthorne, very titanically, in his very truly great manners of John Ludovico Dispassos, very heroically, Nathaniel Hawthorne, had very exquisitely come amongst his very really grand Men and Women to Isabella Augustus Peirce, Zeno, Cecile Louise, Stéphane Chaminade, Frank Case, Robert Rank, Graves, and James Gibbons Honecker, very titanically, in their very truly great manners of Edith Nibbles Jones, very heroically, Joan Robinson, Jeffers, René Descartes, Ferdinand Victor, Eugène de Lacroix, Sean O'Casey, Oscar Fingal, O'Flaherty, Wills Wilde, and Hawthorne, and Newman Puritan, had very proudly come amongst her very, really grand men and women to Henry Hazlitt very titanically, in her very truly great manners of Nathaniel Hawthorne very heroically, Dorothy Frances Canfield had very imperturbably come amongst his very, really grand men and women to Thomas Hope Benden, Mary Johnston, Renee Philip Miller, James Norman Hall, Charles Austin Beard, and Edith Newbold Jones very titanically, in his very truly great manners of Mary Hunter very heroically, Henry Louis Pinkham had very inventively come amongst her very, really grand men and women to Samuel Guy Indoor, Homer Groom, John Orley, Alan Tate, Rachel Crothers, Caradoc Evans, and Ole Edvard Rovog, very titanically, in their very truly great manners of Eric Maria Quinn, very heroically, William Liz Carmen, Hamlin Garland, Alexander Cesar Leo Bizet, Ernest Renan, Francis Marion Crawford, and Edith Newbold Jones had very deplorably come amongst his very, really grand men and women to Louis Amon, very titanically, in his very truly great manners of Edith Newbold Jones, very heroically, Newton Booth Tarkington, had very exactly come amongst her very, really grand men and women to Richard Harding Davis, Andrew Lang, Savinian Siren, the Bergerac, Ray Stannard Baker. C'était Robert, Robert Ashley in Sarah Menken, Christian Beethoven, There Were Men and Women. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, chers amis auditeurs, mais moi, c'est le genre de découverte qui me met en transe, en joie. C'est vraiment, je trouve ça hyper fort, hyper beau, et c'est la puissance de la musique. Ça brise les états d'âme, ça brise les carapaces. Enfin, ça peut, en tout cas. Et en parlant de carapace, d'ailleurs, pour la petite anecdote, In Sarah Menken, Christian Beethoven, There Were Men and Women est aussi un titre du groupe de post-rock américain Tortoise. Ah. Tortoise, tortue, carapace, tu vois. Ouais. Et vraiment, bon, par contre, je l'ai écouté, parce que vraiment, voilà, je fais un travail de recherche dans cette émission, et je peux vous dire, c'est pas fou, vous sentez pas non plus obligé de l'écouter. Pour le coup, il n'y a pas spécialement de rapport, à part que c'est la classe de citer cette œuvre-là, mais la classe s'arrête, hélas, au titre, non, parce que ce morceau, il... plutôt ennuyeux, voilà. C'était pour la petite anecdote. Donc Robert Ashley a sorti pas mal d'albums, pour le coup je les ai pas tous écoutés. Je vous conseille, on peut trouver des petits extraits sur YouTube, de regarder des extraits de cet opéra commandé par la télévision américaine, parce que on se dit que c'est vraiment incroyable que des choses comme ça passent à la télé. Fait penser à, enfin, toute proportion gardée, mais il y avait, comment il s'appelait, Jean-Christophe Averty, qui faisait des choses un petit peu cheloues aussi dans la télé française. Mais voilà, après ça ressemble pas du tout à ce que faisait Jean-Christophe Averty, mais juste pour le côté expérimental qu'on a donné à ce média au début, avant d'en faire un média commercial, oui. Voilà, de publicité, de passage d'informations, voire de passage d'oration présidentielle, dont on se passerait bien. J'ai promis de ne pas en parler, j'en parlerai pas plus. Mais voilà, ça pouvait être bien la télé à une époque. Ouais. Et Robert Ashley, c'est hyper bien. Voilà. Ouais, puis ça fait une petite mise en abîme, là, une liste dans la liste, quoi. Une liste de strophes avec Titanically qui revient souvent, Heroically, puis quelques noms des fois qu'on arrive à choper au vol, qu'on reconnaît, et puis très, très proche de nous, on a l'impression, avec sa voix. Ouais. Je sais pas si. Et le Moog est un peu lointain, et puis les petites bidouilles, ouais. Et tout. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la face A. Voilà, la face B est à peu près du même tonneau, c'est-à-dire c'est délicieux. Voilà, c'est le genre de tonneau dont coule un liquide qui va tout seul au fond de la gorge, et ça fait un bien fou à l'âme, et ça peut faire du bien. Camarade, c'est à toi que je laisse la parole pour la prochaine découverte. Ouais, donc on va prendre le retour. De Michigan en direction Paris avec le Concorde, ça à l'époque j'imagine qu'il existait encore, et un groupe français donc de Paris, d'Île-de-France, Arcaïa, qui ont fait un seul album éponyme en 77, petit clin d'œil à Nico, et voilà, donc c'est un trio avec Pierre Lebras, Pierrig Arbraz pour les bretonnants, ouais, à la guitare et au synthé. Philippe Bersan au clavier, piano, synthé et percussion, et Michel Munier à la basse. C'était mon petit moment name dropping en lisant un texte. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment du name dropping, mais bon. Du name reading. Oui, du name reading, ouais. C'est vrai que j'ai tendance à ne pas citer les noms de chaque artiste à chaque fois, mais comme ouais. Je l'ai dit la fois précédente, je le ferai une fois, au moins pour un groupe à chaque fois. Oui, c'est vrai que, chers amis auditeurs, j'espère qu'on ne vous perd pas dans tous ces noms, noms propres, mais peut-être que, bon, quelque part, si on vous perd dans tous ces noms propres, comme nous, on s'est délicieusement perdu dans l'œuvre de Robert Ashley à l'instant, ben, quelque part, voilà, considérez qu'on essaie de faire de la trance. Puis aussi de rendre hommage, ben, voilà, c'est vrai que cette liste, elle a mis en lumière des groupes plutôt obscurs et inconnus, et c'est ce qu'on essaie de faire aussi dans cette émission, et tant qu'à y être, autant mettre en lumière aussi les musiciens qui sont à l'origine de ce bonheur musical qui coule dans nos oreilles depuis trois émissions déjà. Donc ouais, Arcaïa, je disais, un groupe qui voilà qui se revendique un peu dans le sillage de Magma quoi, de Zeul, même si moi je trouve j'ai pas trouvé tant que ça en fait dans cet album ou sinon dans le par rapport à l'album Oudou Voudou, ça tombe bien parce que c'est je connais essentiellement Oudou Voudou et Kobaya de Magma, donc je me suis assez bien reconnu. Et donc on a parlé, alors j'ai lu, alors là pour le coup ça foisonne d'informations sur Internet parce que dès que ça parle groupe Zeul français, je vous dis qu'il y en a des blogs. Et puis voilà, il y a des pics entre chaque blog et tout. Donc voilà, c'est... Par exemple, je sais pas, je suis tombé sur un blog où, qui était vraiment pas tendre avec ce groupe, qui considérait quand même un peu comme culte après coup pas mal de gens. Et voilà, il y en a un qui considère ça comme une grosse blague, par exemple. Et un autre, au contraire, qui vantait tous les mérites de cet album. Mais après, j'ai vu que c'est eux qui l'avaient réédité, l'album. Donc c'était compréhensible qu'ils vantent les mérites d'un album qui réédite. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, la zélosphère, je sais pas comment la dire, mais en tout cas, elle est assez prégnante et voilà, et intéressante. On peut facilement diguer et s'y perdre. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, alors, on parle de drumless Zeul, parce qu'il n'y a pas de batterie. Et moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, en fait. C'est que c'est des percussions. Et d'avoir du rock sans batterie, parce que ça reste du rock malgré tout, hein, une forme de rock, quoi. Trouve ça super intéressant. Il y a une basse voilà, qui fait penser à Oudou Voudou, donc très grasse, voilà, très présente, presque modulaire, en fait. Donc voilà, donc pochette très sombre, un peu avec un peu une typographie gothique, assez énigmatique, avec une espèce de bête. J'ai pas su savoir quel était cet animal, peut-être un animal dans la tête de ces messieurs. Et voilà, donc ça chante en français avec ouais, des textes un peu ésotériques, des paroles incantatoires, tout ça. C'est un peu creepy, un peu maléfique comme ambiance, tout ça. C'est pour ça que j'ai bien aimé, moi, ça m'a fait... Voilà, ça me faisait penser à des... Enfin, notamment avec les synthés, tout ça, des petits giallo, enfin, des musiques de films italiens des années 70 que j'aime bien. Alors, je vais faire l'instant petite anecdote. C'est bon, j'ai trouvé une petite anecdote sur un groupe et qui est assez marrante et c'est... Ils sont sortis sur enfin cet album donc éponyme Arcaïa pardon est sorti sur un petit label indé de l'époque qui s'appelait Coravox et donc j'ai lu que par la suite c'est devenu un label vraiment de référence pour des fanfares militaires ou des écoles des chorales chrétiennes tout ça et je suis allé après sur Discog en cliquant le nom de Coravox là je vous livre quelques noms d'artistes qui ont été publiés, d'artistes, voilà, je vous laisserai décider si ce sont des artistes ou pas. Mais bon, il y a la chorale Sainte-Thérèse de Chartres, l'harmonie des mineurs de la Fosse, la Jeanne d'Arc de la Luire, grand séminaire de Contence et la fanfare du Trait d'Union, par exemple, qui font partie de ce label dont Arcaïa a été publié. Donc c'est assez truculent, c'est assez étrange. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Et du coup, j'ai choisi deux chansons. J'ai choisi la première. Bon, je ne vais pas à chaque fois choisir la première, je vous assure. Ce n'est pas par fainéantise. Mais bon, on peut se dire que peut-être des fois, les groupes, quand ils composent un CD, souvent ils essayent de mettre une chanson qui claque un peu en premier, quoi. Excuse-moi de te couper, quand il compose un vinyle en l'occurrence, Oui, un vinyle, quand pardon, ouais. on est dans des années où c'était plutôt. On est quelle année d'ailleurs, tu sais? 77. 77, Ouais. d'accord. 77. 77, ouais. Et du coup, enfin voilà, donc ça arrive souvent que le premier morceau tape à l'œil parce que c'est le premier, parce qu'ils ont choisi que ce soit le premier, parce que c'est le premier que t'écoutes. Et voilà, c'était juste un petit. Non, mais t'as raison. En plus, c'est vrai que c'est une des forces. Je vais digresser un peu, pardon, mon camarade. C'est une des forces, un des intérêts, en tout cas, du format vinyle, c'est qu'effectivement, il faut que le premier morceau tape. Il faut que le dernier morceau de la face A tape pour qu'on ait envie d'écouter la face B. Tu vois, une espèce de cliffhanger. Ouais, carrément. Et que le deuxième morceau de la face B tout autant. Et effectivement, ouais, dans l'agencement des morceaux, je sais pas si c'est le cas de ce groupe Arcaïa, parce que des fois, il y a des groupes aussi qui racontent une histoire, donc il n'y a pas moyen de agencer les morceaux différemment que de la façon dont ils ont été écrits, mais souvent dans l'agencement des morceaux, il y a justement cette recherche d'avoir les morceaux les plus catchy, si j'ose dire, enfin qui vont vraiment donner envie de laisser le diamant tourner jusqu'au bout des sillons et voire même de retourner la face. Donc c'est pas anodin et loin d'être idiot que de choisir le morceau qu'introduit l'album. Bah oui, voilà. Et du coup là, c'est un album qui a été réédité parce qu'il a été très prisé, enfin. À sa sortie, il n'a pas fait tant de mois que ça, mais après coup, voilà, il est devenu de plus en plus culte. Les prix ont grimpé. J'ai vu des choses comme 2000 francs à l'époque, enfin, un peu dans les années 80-90. Donc, vraiment, il s'est passé quelque chose, quoi. Le fait qu'il était cité, notamment dans la Nurses Round List. Et du coup, c'est pour ça qu'un label l'a réédité en 99. Où ils ont mis trois chansons live en plus, et moi c'est cet album que j'ai écouté, et la seconde chanson sera une chanson live où il y aura une batterie. Le label, ça serait pas Soleil Zell par hasard? Voilà, exactement, label qui est aussi un blog dont je parlais, qui vantait les mérites de ce groupe. Label porté par un seul homme que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois au festival Rock in Opposition, un vrai passionné, et en plus on peut vraiment saluer son travail parce que, comme tu disais, il y a beaucoup d'inimitié dans la famille Zoll, et ben notamment tout bêtement de la part des musiciens de Magma, de Christian Vander en tête, considère que les groupes Zoll, ça n'a pas lieu d'exister, que la Zoll Music lui appartient, et on n'a jamais vraiment reconnu tous les groupes qui s'inspiraient de lui. Et pourtant, il y a eu tellement de groupes qui ont été marqués par la musique de Magma, qui sont mis à faire une musique un peu dans ce sens-là, et qui ont rarement trouvé grâce aux oreilles et aux dires de Christian Vander, qui était plutôt dur et qui n'a pas forcément tout le temps mené la vie facile à notre ami Alain Le Bon, ça y est, son nom me revient. Je l'ai rencontré, c'est vraiment un garçon délicieux et qui est vraiment un passionné, qui se bat avec des bouts de ficelle pour faire tenir son label, et au sein duquel on trouve très belles découvertes ou ressorties. Mais là, je m'égare un peu, mais un jour, je m'arrêterai un peu sur ce label qui mérite vraiment qu'on l'écoute et qui montre aussi que la musique Zoll peut être autre chose que Magma. Ouais, clairement. Et donc, ce label s'appelle Soleil Zoll. C'est ça, oui, Soleil Zoll. Et le premier morceau s'appelle Soleil Noir. Donc voilà, on retombe sur nos pattes. Donc, c'est un morceau un peu, je sais pas, qui fait un peu marche funèbre. Voilà, il va vous livrer des paroles un peu incantatoires en français, avec une basse, voilà, comme je disais, un peu modulaire. Un synthé qui moi, me rappelle un peu. Un peu le cinéma giallo, quoi. Et voilà, c'est le premier morceau donc, de cet album, Soleil Noir. Et ensuite, on enchaînera directement avec un morceau live qui s'appelle Robot dans le Formol. Donc, où il y a un batteur et il y a un autre musicien. Donc là, ils seront cinq. Et les deux morceaux sont assez différents. C'est pour ça que je voulais vous faire écouter de formation de ce même groupe qui a eu qu'un album, donc album éponyme Arcaïa en 1977. Allez. Et le live date de 1978. Exactement, oui. Allez, c'est parti. C'est parti. Ouais, un fade-out. Trop bien. Oh là là, je sens qu'il va y avoir beaucoup de fade-out dans cette Nurse Vision List et c'est un plaisir. En plus, un fade-out sur un morceau live, j'ai envie de dire, là, ouais, les gars, qu'est-ce qui vous a pris, quoi. C'est très audacieux. C'est, oui, c'est une technique remarquable. Ah ouais, là, franchement, là, si l'on jouait comme ça, en vrai, j'applaudis. Sinon, j'ai envie de dire que l'ingénieur du son, là, il s'est pas trop foulé avant de ressortir ça. Bah, sinon, c'est très agréable. Effectivement, là, ce robot dans le formol, on est en plein magma Udu-Vudu. Ouais. Effectivement, ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Ah ouais, je corrobore à fond. Alors que je préférais le petit soleil noir d'avant, plus original, quoi, moins de Zol. Effectivement, le fait de faire de la musique de Zol sans batterie, c'est ma foi pas une mauvaise idée, parce qu'au moins ça évite toute comparaison avec Christian Vander, parce que quoi qu'on puisse penser du bonhomme, le musicien est un extraordinaire batteur et un compositeur de génie. Oui, c'est prendre le pendant inverse, quoi. Prendre des percus et pas de faire du Vander à la batterie. C'est ça. Mais et ben, belle découverte. Bah oui, moi j'ai bien aimé. Mais bon, ils n'ont fait qu'un album, donc voilà. Tony, tu les connaissais ? Non, pas du tout, de nom. De nom, mais voilà, vite fait, j'étais un vieux fan de Magma quand j'avais 20 ans. Je partais au lycée, non, j'étais plus au lycée d'ailleurs, mais je marchais beaucoup en écoutant du Magma avec mon Discman. Voilà, c'était à défaut de faire l'armée, ça a duré que 3 jours pour moi, j'écoutais Magma. C'était très bien. Ça a fait atterrir un petit peu après cette petite session psycho-acoustique de Robert Ashley quand même. Je suis content de ne pas l'avoir écouté au casque parce que je pense que j'aurais pas été là. Je pense que j'aurais été dans un autre monde. Et je me suis renseigné un peu, hein, on est dans la psychoacoustique, hein, donc ça va un peu loin quand même. L'impact du son sur l'oreille et sur le cerveau, avec la psychologie expérimentale, je connaissais pas non plus ça. Donc voilà, c'était un gros voyage de Robert Ashley, entre autres, parmi toutes les musiques qu'on va découvrir avec Ron Weasley. N'est-ce pas? Oui. Bah ouais, carrément. Ouais, tout à fait. Et en parlant de découverte, est-ce que tu en as une petite à nous proposer? Oui, excuse-moi, Tony, de te couper la parole. Oui. Juste avant que tu partes, avant que tu parles, notre ami Guénolé va quitter les studios. Oh, oui, non, ouais, je m'en vais. Je dois rentrer. Ouais. Mon attestation se termine. Non, c'est une énorme journée demain. Ouais. Et voilà. Mais. Mais c'était un plaisir, je réécouterai ton intervention ultérieurement, promis. Ouais, surtout la musique, Guénolé, hein, surtout Arbeter Orfekid qu'on va écouter juste après. Très bien. Bon ben, je vous embrasse tous. J'aimerais entendre ta voix chaleureuse, mon cher Guénolé. Ben, je te renvoie l'appareil. Et de voir le visage qui va avec. Oui, promis. Bon, allez. Bonne nuit. Hein. Ouais, bonne nuit, bonne soirée. Bon courage, hein. Bye bye. Bye. Au revoir. Je ne raccroche pas. Hein. Non, t'es encore là. C'était très belle cette séquence de flagornerie entre Guénolé et toi. Voilà. Oui. Bah oui, parce que bon, la musique, comme je disais tout à l'heure, elle brise les distances, elle brise les carapaces et ça fait plaisir. Et ouais. C'est pour ça qu'on a joie de la partager. Arbeter Orfekid, j'avoue, je ne connais pas du tout. Alors je vais boire tes paroles. Ah ben, moi non plus, je ne connaissais pas du tout. J'ai quand même pris une grosse claque. Alors ça va nous faire atterrir encore un peu plus après ce moment psychoacoustique et cette seule musique. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, parce que donc j'ai découvert ça il y a 3 jours, je crois, hein, quand tu m'as demandé de participer, que j'ai vu le groupe qui est resté dans la lettre A, qu'on est en train de terminer d'ailleurs, n'est-ce pas ? Je crois qu'il va nous rester un épisode. Ah la vache, oui, en effet, oui, ça fait beaucoup de lettres A. Donc, je suis tombé complètement sous le charme, j'étais très très très ému, j'étais, voilà, non pas que j'étais faible, mais j'étais très très ému, voire aux larmes. Et en fait, j'étais tellement ému que j'ai voulu faire traduire les paroles. Alors, je me suis servi de mon réseau social favori. J'ai demandé à des gens s'ils parlaient suédois, puisqu'on va écouter un groupe suédois. Et du coup, il m'est arrivé une petite anecdote marrante, parce que je suis tombé sur quelqu'un qui m'a encardé sur 2 personnes que je ne connais pas du tout, qui habitent à Paris. Une personne d'une 60aine d'années. Un monsieur qui m'a dit que je lui ai envoyé le lien de la chanson. Il m'a dit que ça le faisait chialer, parce que ça lui rappelait son passé. Une musique un peu traditionnelle suédoise, donc il est content que je ne sois pas le seul élu, que lui l'était aussi. Et puis une petite anecdote avec une dame qui m'a répondu aussi, qui m'a traduit le texte, parce qu'en fait c'est ça qui m'intéressait. Le morceau s'appelle European Way. J'étais quand même curieux, tous les autres morceaux sont en suédois. Celui-là, on va peut-être commencer par celui-ci d'ailleurs, pour l'ordre des chansons. Et donc elle m'a traduit le texte et elle m'a dit un truc un peu étrange, c'est que elle se souvient de ces années-là en fait. Donc c'est le prog avec 2G, c'est mon prog suédois des années 70. Et donc elle m'a traduit ce texte et en fait elle me dit que dans ces gens-là, il y a des gens qui ont pris des partis politiques un petit peu trop facho à son goût. Alors ça m'a interpellé, ça lui appartient, c'est son souvenir, je ne sais pas quel âge elle avait à ce moment-là. Ça m'étonne un petit peu personnellement, alors je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là, peut-être c'est le côté identitaire ou folklorique, je ne sais pas. Hein. Mais je sais que, alors j'ai plus le nom, je crois que vous avez passé un morceau de Archibald. Archimède Batkar. Voilà, Archimède. Donc c'est un groupe suédois aussi, c'est ça. Ça fait être super bien, mais j'ai pas écouté encore. Qui, dont des musiciens avaient voyagé à l'époque en Afrique, en Asie, et en fait avec ce groupe Archibald et ce groupe Arbetu Unfrited, on est avant l'heure, avant les années 90, dans justement l'expérience de musique du monde. Et voilà. Et donc Arbetu Unfrited existe en 1970. C'est arrêté en 1981 après 1000 concerts, c'est quand même énorme. Wow. Est devenu connu vraiment et après c'est écrit en 1973 avec les deux extraits qu'on va écouter de cet album de 1973 qui est éponyme aussi. Arbetu Unfrited qui veut dire travail et loisir ou travail et joue, je ne sais pas. Wow. Et là, cet album-là est vraiment axé sur, je pense, que le quelque chose de plutôt folk, suédois, nordique. Il y a quand même des instruments électriques qui arrivent à des moments. Moi, je trouve ça magnifique, vraiment. Je pense à Dekift, la fanfare hollandaise. Il a été une grande découverte dans ma vie aussi, personnellement. Et apparemment, ils sont très connus pour avoir fait des lives qui n'ont jamais été enregistrés, avec des morceaux qui duraient une heure, avec jazz, avec... plutôt prog, enfin voilà, quelque chose que j'ai pas encore le temps de tout découvrir, mais je peux te dire que ce morceau là je l'ai vraiment écouté au moins 10 fois là avant-hier là sur la journée. Voilà, ça me fait toujours ça quand je flash sur un morceau, c'est pour ça que j'ai choisi. Donc on va écouter European Way. Et puis d'ailleurs je sais même plus comment s'appelle l'autre morceau parce que c'est un nom suédois. Ben on va s'écouter The European Way, et puis on te retrouve juste après pour le temps que tu bosses le titre suédois du morceau d'après. Ouais, je vais essayer de le dire, ouais. Tout à fait, Manu. À tout de suite. À tout de suite. Bon chemin européen. Vem kan räkna alla stunder på Europavägen. På Europavägens asfalt där vi tittade på livet. Det är flera budgetår sedan och aldrig blev det fredag. Vem vill minnas alla färger? Parfymen i Europa parfymens löften, dyra folkmord och billig kärlek. Det är flera budgetår sedan och man viskade i öra, vem kan glömma alla fåglar i Europas skogar, i Europas mörka skogar, som lärde oss att sjunga. Det är många tusen år sedan och jag minns det. Thank you. magnifique titre, en effet, qui n'avait pas menti. Il y a de quoi laisser tomber des larmes. Oui, alors après, peut-être que c'était pas un bon choix par rapport à la Nurse with Wound List, puisque ce groupe a l'air vraiment formidable. Ça part un peu dans tous les sens, je crois. Hein. Apparemment, ils ont fait des lives, des morceaux de une heure, complètement free jazz. J'ai pas encore eu le temps d'écouter. Je crois qu'il y a des lives sur YouTube de ce groupe. Mais voilà, j'ai flashé là-dessus. Et vraiment, ça m'a fait penser à The Gift, qui a été vraiment une grande rencontre musicale dans ma vie. Je sais pas si tu connais ce groupe hollandais, la fanfare The Gift, qui était au départ un groupe punk, à la fin des années 80. Très mal. Oui, ça me dit quelque chose de... Bah de non, tiens, comme tu l'as dit tout à l'heure, je crois d'avoir entendu un peu par le passé, mais n'avoir pas spécialement accroché, donc mettre pas... Il y a tellement de groupes. Bah oui, c'est ça, la musique n'a pas de fin. Mais je pense que parce que je les connais un petit peu, j'ai eu la chance de les accueillir une fois, et d'ailleurs, j'avais offert au chanteur un livre de Jacques Prévert, puisqu'il a adapté beaucoup de poésie russe, française... belge et hollandaise, et c'est ça qui rend le groupe très beau, si tu veux. Mais je pense que je vais leur envoyer un message, leur posant juste la question, est-ce que vous connaissez ce groupe? Est-ce que ça vous a influencé dans les harmoniques, dans une espèce de fanfare poétique? Et du coup, ton travail de recherche de traduction, ça racontait quoi, ce qu'on vient d'entendre? Alors, ça racontait quoi? Alors, je vais te dire ça tout de suite, ça n'a rien de... Qui peut compter tous les moments passés sur la route européenne, sur le bitume de la route européenne, où on regardait la vie? Cela fait beaucoup d'années budgétaires et le vendredi ne venait jamais. Qui veut se souvenir de toutes les couleurs de la télévision européenne? Sur les écrans de la télé européenne, nos yeux se fermaient devant la mort. Cela fait plusieurs années budgétaires et on rêvait complètement. Qui peut oublier toutes les fleurs dans les champs européens? Dans les champs ouverts européens où nous nous mettions à danser. Cela fait des milliers d'années et cela va peut-être revenir. Qui veut se souvenir de toutes les senteurs du parfum européen, dans l'air du parfum européen, des génocides onéreux et de l'amour pour marcher? Cela fait plusieurs années budgétaires et on se chuchotait à l'oreille. Qui peut oublier tous les oiseaux dans les forêts européennes, dans les forêts sombres européennes où on a appris à chanter? Cela fait des milliers d'années, je me souviens, comme si c'était demain. Je traduis, enfin, c'est un peu la traduction, il y a un peu. Qui veut avaler toutes les pilules des hôpitaux européens, dans les hôpitaux européens blancs où on était et où on mourait? Cela fait plusieurs années budgétaires et le téléphone était cassé. Qui peut oublier les vagues des eaux européennes, sur les eaux européennes tourbillonnantes et salées, des vents forts sifflés? Cela fait des milliers d'années et demain est aujourd'hui. Voilà, c'est une traduction succincte. La traductrice s'excuse parce qu'elle l'a fait à l'oreille. Ouais, enfin, elle est quand même arrivée à faire une traduction qui sonne comme un poème. C'est pas non plus. Exactement. Ça va, c'est pas que du littéral non plus. Je trouve que ça sonnait très bien, ce qu'on a entendu. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis bon, parler des hôpitaux européens et des télés européennes en ce moment, enfin voilà. Bah, surtout en 73, hein, quand même. Hein, Ouais, c'est vrai. Hein, c'était tout jeune, hein, l'Europe. Je sais même pas, je connais pas assez. Parce que la Suède, en fait partie. En même temps, si on a affaire vraiment à des gens plutôt penchés extrême droite, bon, de critiquer l'Europe, c'est pas non plus étonnant. Ouais, tout à fait, tout à fait. En tout cas, a priori, ça me donne vraiment envie, hein, de m'intéresser à tout ça. Et puis merci d'ailleurs à votre demande, hein, de participer à cette Nurse with Wound List, parce que je découvre beaucoup de choses quand même, comme nous tous, hein, nous tous compris. Mais voilà, musique rock nordique, beaucoup de choses. Hein. Archibald, ça a l'air vraiment bien aussi. Quand même. Archimède Badkar, pardon, ça a l'air vraiment, vraiment bien. Donc voilà, c'est incroyable, toutes ces musiques quand même de la fin des années 60, là, jusqu'aux années 70. J'ai lu quelque chose hier, si je peux me permettre, Manny. J'ai pris une BD d'une adaptation de Michael Moorcock. Bah, je ne sais pas si tu connais, un auteur de fantasy anglais, et qui m'a vraiment touché, qui m'a fait penser justement à ses musiques. Et dedans, lui, il parle de la génération après-guerre, et il parle de la génération de ses parents, un peu hypocrite, de toutes ces années de la guerre, de la reconstruction. Et lui, comme Alan Moore, scénariste anglais, ont voulu justement faire du neuf, ont voulu changer, un peu abattre le patriarcat, et toute cette génération européenne. Et ça m'a vraiment interpellé aussi tous ces mouvements musicaux qu'il y a eu, donc entre le rock choucroute notamment, mais tout ce mouvement progressif, ce qu'on a entendu tout à l'heure d'ailleurs, un grand merci d'avoir mis Harpir, c'est quand même génial, c'est quand même c'est incroyable cette musique à vie. Ouais, carrément. Incroyable. À la première émission, on avait passé Area aussi, dans le genre propos très engagé, et groupe vraiment, un groupe italien, vraiment hyper bien. Ah ben, je connais pas, tu vois. Mais tu vois, c'est incroyable tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Pure création dans des explorations musicales et humaines complètement incroyables. Vraiment, c'est, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à prendre de cette période. Bah, j'avais un peu raconté ça vite fait dans le tout premier épisode, mais on est aussi à une époque où presser un vinyle, ça coûte vraiment pas grand-chose, et en fait, c'est avant un peu l'explosion, enfin pour faire un résumé vite fait, mais il y a un krach pétrolier qui a augmenté drastiquement le prix du vinyle et qui a aussi entraîné comme ça par effet de ricochet, l'arrivée de directeurs commerciaux dans les maisons de disques à la place des directeurs artistiques, selon la formule de mon ami Aymeric Leroy. Et c'est vrai qu'avant, justement, avant 78, il y a une espèce d'audace, enfin, qui est assez incroyable sur tout ce qui est expérimental et qui va être publié, enfin même sur Barclay, sur Virgin, on trouve vraiment des pépites, des choses hyper étonnantes, hyper avant-gardistes et hyper aventureuses. Ce qui, ma foi, par la suite, ça a plus trop été le cas, là. Ça a plutôt été le travail des labels indépendants que de sortir des choses un peu hors normes. Donc c'est à cause de 1973 et de cette crise du pétrole. 78-79, le krach pétrolier. Je suis un petit peu nul en histoire des krachs pétroliers. C'est l'année de ma naissance. C'est l'année de ma naissance, 73, le premier krach pétrolier. 78. D'accord, ok. Ouais, le premier krach. Mais effectivement, les effets s'en sont fait ressentir quelques années après. Mm. C'est très intéressant tout ça. Hein. Franchement, sur l'histoire de la musique, c'est très intéressant. Hein. Je vais m'y renseigner. Je vais me renseigner là-dessus aussi. Bah ouais, mais je crois que même Elvis Presley, qui est considéré comme le roi du rock, il a enregistré son premier disque, genre il avait gagné un concours et tu pouvais enregistrer un disque vinyle quand tu gagnais un concours, ce qui est plus vraiment le cas maintenant. Tout à fait. Je pensais jamais que je citerais le nom d'Elvis Presley dans cette émission. On s'écoute un autre titre de Arbeté Orfritid. Tout à fait, ça va être. Alors la traduction, je vais pas dire le nom en suédois parce qu'on va rien comprendre, c'est Walking Song, apparemment. Merci à Chrome, parce que Chrome, il traduit directement les trucs. Walking Song, donc c'est le premier morceau de cet album éponyme, Arbete Orfritid, sachant que leur premier album date de 70, qui porte ce nom-là, et leur troisième album porte le même nom, en 1973. Donc on est dans le même esprit. Tout cet album, en tout cas, est très, très folk. Pour finir, je voudrais juste dire la petite phrase qui dit que la musique, c'est ce qu'il y a de meilleur. Music is the best, d'après un monsieur dont le nom commence par Z. Mais nous en parlerons dans très longtemps quand nous en serons au 40e épisode, mon cher Manu. Merci encore. Et si après on a encore envie de faire des listes, on s'attaquera à la liste que monsieur Z a lui-même proposée dans Freak Out. Oui, tout à fait. À bientôt. Merci beaucoup, Tony. À bientôt. Et donc, on s'écoute le titre que tu viens de dire, dont le nom suédois est Ganglat eller Lejme Per Larsson. Et après, j'ai pas la suite. Allez, c'est parti. Arbete Orfritid. Merci. Sur Radio Radio. Bisous, camarades. À très vite. We'll be right back. On vient d'entendre Arbet et Orfritid à l'instant sur, sur Radio Radio. Et oui, c'est 23h04, 2h d'émission. Voilà, on a tenu le tempo habituel. On va rendre l'antenne. Mais non, poisson d'avril, on a complètement dépassé les 2 heures qui nous sont adjointes, comme d'habitude. Oui, restez à l'antenne, il va encore se passer de très belles choses. Tony, mon ami, si tu nous entends, et d'ailleurs, si vous avez apprécié d'entendre la douce voix de Tony, bah, vous pouvez le retrouver sur Radio La Cherche. À Cherbourg, et ça s'écoute aussi sur Internet. Tony, si tu m'entends, comme depuis tout à l'heure, chacun se plaît à faire des comparaisons entre ce qu'il entend de la Nurse With One List et des groupes actuels, ce que je viens d'entendre me fait énormément penser à un groupe finlandais que je te recommande, qui s'appelle Ala Mailman Vasarat, et qui est une espèce de fanfare punk, prog, expérimental, rock in opposition, hein, qui se revendique de ce mouvement-là, et qui a ce talent-là, justement, de sortir des petites mélodies qui font un peu trad nordique, en mode un peu plus rock. Et vraiment, alors, ce morceau d'Arbeté me fait complètement penser à l'univers de la Mailman Vasarat. Donc, Tony, petite recommandation, voilà. Nico, tu connaissais RBT Orfritid? Un petit peu, oui, je connaissais leur premier album, aussi dans le guide auquel j'ai parlé la dernière fois, The Audio Guide to Nurse With Wound, là il y a aussi indiqué que cette formation, c'est que Faust était des Suédois, le son est un peu dans ce sens-là. Ok. Donc voilà. Et c'est à toi qu'on a laissé la joie de conclure cette émission listée. Du coup, de qui vas-tu nous parler? Avant de ça, je vais encore faire deux petites choses. En première chose, c'est bien que Tony ait participé pour la première fois. Salut Tony. Je suis content que tu aies envie de te plonger dans cette liste. Et une deuxième chose, une petite correction. J'ai dit plutôt que Chris Cutler était également dans la liste de la Nurse With Wound. Et non, ce n'était pas le cas. C'est Fred Fried et Anthony Moore. Et oui, Henry Cow est aussi dedans. Ok, voilà. Donc on va quand même en reparler. Ça fait plaisir. Voilà. Maintenant, on va parler de AMM. Avant la formulation du nom de l'AMM et le développement des caractéristiques particulières qui ont par la suite marqué l'esthétique musicale de l'AMM, parce que c'est une abréviation. Mais ils n'ont jamais expliqué c'est quoi exactement l'abréviation, donc ça reste un petit mystère. Il y avait plusieurs ensembles dans lesquels on pouvait discerner les premiers signes de la musique de l'AMM. En 1965, le saxophoniste ténor Lou Gehrig et le guitariste Kate Rowe étaient membres du Mike Westbrook Band. Lou Gehrig fait également partie d'un quintet de hard bop avec le batteur Eddie Prevost. À cette époque, divers ensembles ad hoc à Londres expérimentaient le nouveau free jazz. Ceux où figurant Gehrig, Rowe et Prevost comprenaient également Mike Westbrook, John Surman, Henry Lauter, Malcolm Howley et Lawrence Chiaf. De ces formules ad hoc, naît le trio Gehrig, Rowe et Prevost, un ensemble qui développe et joue de la musique libre, occasionnellement en public. Peu de temps après, Gehrig et Rowe quittent le groupe Westbrook pour se concentrer sur cette nouvelle aventure musicale. Lawrence Chiaf, le bassiste de Westbrook, les suit plus tard pour rejoindre ce qui allait devenir le AMM. Les recherches se sont déroulés en même temps que le travail émergent du groupe de musiciens qui nous associons aujourd'hui aux premières manifestations de Spontaneous Music Ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de musique spontanée, en particulier John Stevens, Trevor Watts, Paul Rutherford, Derek Bailey et Evan Parker, mais dans une large mesure sans les connaître. Mais bien que les deux approches de nouvelle liberté en musique se soient développées indépendamment, il y a une certaine rencontre. SME a généreusement invité le AMM à se produire de temps en temps au Little Theatre Club dans le West End de Londres. En 1966, dans le cadre d'une tentative d'élargir le groupe de musiciens pour interpréter son œuvre graphique créatiste, Cornelius Carbo Cardew est présenté à l'AMM. Il rejoint ensuite l'ensemble et commence à participer à leurs sessions régulières au Royal College of Art. L'ensemble se compose alors de Cardew, Rowe, Kerr, Chiaf et Prévost. Quelques mois après la sortie du premier album AMM Music, Laurent Chiaf quitte l'ensemble et cesse de faire de la musique. Il leur faut attendre jusqu'en 1980 pour dépasser la dualité entre musique spontanée et enregistrement album. À partir de là, tout va vite, 30 albums suivants jusqu'à aujourd'hui, avec une line-up qui change constamment. Les deux constants sont Eddie Prévost, le batteur, et le pianiste John Tilbury. Bien sûr, nous pouvons facilement faire quelques émissions sur l'histoire de l'AMM, mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Mais laissons-nous séduire par les premiers albums enregistrés en 1966, en sortie l'année suivante. Et c'est l'album AMM Music, et le morceau qu'on va écouter dans quelques instants s'appelle « Later During a Flaming Riviera Sunset », qui était sorti en 1967. Voilà, c'était ma choix pour cette fois-ci. Juste une petite précision, je t'écoute, je bois tes paroles. Quand tu parles de spontaneous music, ce qu'on va entendre, c'est de la musique improvisée, ce qu'on appelle de l'impro libre maintenant. Il y a une différence entre les deux. Il y a des nuances minuscules entre qu'est-ce qu'il y a de spontaneous music, qu'est-ce qu'il y a de la musique libre, parce qu'il y a aussi de la musique d'improvisation, c'est tous des termes que les gens utilisent, et chaque musicien a une autre interprétation. Et donc AMM se considère plutôt dans la musique spontanée et moins de libre. D'accord, ok. Mais il y a des moments, parce qu'il y a Eddie Prévost qui a une idée très pointée à ce niveau-là, qui trouve une autre vision à ce niveau-là. Et c'est aussi pour une de ces raisons-là pourquoi que Keith Rowe a quitté la formation, maintenant déjà, je pense, une dizaine d'années, parce qu'ils ont une autre idée de comment définir la musique de AMM, si que c'est de musique spontanée ou de libre ou de l'improvisation. Ok, bon, on va voir si on arrive à s'en rendre compte à l'oreille. Merci beaucoup, camarade, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Courage encore pour être le tout seul qui est le survivant dans le studio là-bas. Ah, pas de problème, tu m'as mis de la bonne musique, là je vais me régaler pendant une petite vingtaine de minutes avant de dire au revoir à tous nos auditeurs. Et merci encore, à bientôt Nico. À bientôt, salut, ciao. Allez, c'est parti avec AMM. Thank you. been involved with my wife and kids. Voilà, on vient d'écouter AMM Later During a Flaming River at Sunset, tiré de l'album AMM Music. Merci Nico pour la découverte. Alors, chers amis auditeurs, musique spontanée, musique improvisée, musique libre ou un petit peu des trois. En tout cas, chouette voyage. Hein. J'ai halluciné les nappes de violon à un moment. Là, j'ai cru qu'il y avait un autre morceau qui était parti en même temps, que je m'étais trompé, mais non, pas du tout. Il y a plein de surprises, ce long titre de AMM qui donne envie de se plonger sur la discographie hyper longue et passionnante de ce groupe. Nico a raison, c'est pas le sujet de l'émission, mais il mériterait une émission à leur sujet. Mais pour l'instant, cette émission qui s'achève, comme le stipule ce magnifique générique de fin d'émission de Samlamamasmana, on en parlera quand on arrivera à la lettre S, encore un des groupes phares du mouvement Rock in Opposition. Vous venez d'écouter vraiment autre chose, 164 au pied de la lettre 3, tentatives d'exploration de la Nurse with One List. Cette émission a été présentée conjointement depuis Toulouse, depuis Cherbourg et depuis Bruxelles, en compagnie de mes amis Guénolé, Nico et Tony. Et voilà, on s'est encore une fois attaqué à la Nurse with One List. Voilà, je crois qu'il nous reste encore une quatrième émission sur la lettre A avant de passer à la lettre B. C'est dire si cette liste est riche, il y a 291 noms. Et comme vous avez pu l'entendre, waouh, quel voyage musical! On a été dans beaucoup de pays différents. On a été en Suède, on a été aux États-Unis, on a été en France, on a été en Allemagne, on a été en Angleterre. On a écouté de la Zell, on a écouté du Free, de la musique libre, voire improvisée, voire spontanée. On a écouté du Rock in Opposition revendicatif, on a écouté de l'électro-expérimental. On a écouté plein de choses. Il est temps pour moi de faire l'interminable mais nécessaire récapitulatif de fin d'émission. Oui. On a démarré avec l'ami Tony, avec Alan Sondheim et le collectif All 717, c'est sous ce nom qu'apparaît dans la liste. On a écouté un extrait de l'album The Other Tunes, ainsi qu'un extrait de l'album The Songs. Ensuite, c'est Alcatraz, on est parti en Allemagne avec deux extraits de l'album Vampire State Building du groupe allemand Alcatraz. Ensuite, nous avons parlé de Heartburst et on a bien fait. On a écouté deux titres de l'album Winter Songs de Heartburst, groupe phénoménal et indispensable du mouvement Rock in Opposition. Ensuite, ça a été le long voyage en compagnie de Robert Ashley, In Sarah Menken, Christian Beethoven, There Were Men and Women, ce grand poème poème lettriste scandé avec de la musique, du Moog et des petites bizarreries derrière, un voyage dont je me suis toujours pas remis à titre personnel. J'espère que vous aurez voyagé autant que nous. Par la suite, on a parlé de Arbete or Fritid. Notre ami Tony s'est attardé longtemps sur ce groupe qui méritait qu'on le fasse, groupe suédois. On a écouté deux extraits de leur premier album éponyme, Arbete or Fritid. Et Guénolé, auparavant, nous avait amené du côté de la Zell sans batterie du groupe Arkaya. On a écouté deux titres, encore un album éponyme qui s'appelle donc Arkaya. Et enfin, à l'instant, un très long extrait de AMM sur l'album AMM Music. Voilà, une autre tradition dans ces Au pied de la lettre, c'est de se quitter avec un dernier morceau. C'est ce qu'on va faire. Un dernier morceau de Heartburst. On a suffisamment dit que ce groupe était fondamental et génial, que ça serait dommage de pas se priver d'un petit bonbon supplémentaire. Là, je me suis permis un petit écart. On est après la liste. On est en 1981 pour leur troisième et dernier album, The World As It's Today, et le titre qu'on va entendre, qui introduit l'album, tiens, hommage à Guino, le titre qu'on va entendre s'appelle The Song of Investment Capital Overseas. Voilà, merci à tous d'être restés aussi longtemps à l'écoute de Radio et de Vraiment Autre Chose. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite et fin de l'exploration des groupes en A de la Nurse Vision List. Et cela dit, n'hésitez pas à rester sur Radio, parce que d'après ce que je vois sur le robot programmateur de musique, il y a des très belles choses à venir, notamment Plastic People of the Universe, qui est d'ailleurs un groupe qui apparaît dans cette liste. Vous allez entendre du Godspeed Black Emperor, vous allez entendre du Torstoise, tiens, j'en parlais tout à l'heure, vous allez entendre du Gong, du Joy as a Toy, du Condense, du ZX, enfin bref, restez sur Radio, il y a des petits délices musicaux toute la nuit qui vous attendent. Et pour commencer cette nuit, je vous laisse en compagnie de Heartburst, Song of Investment Capital Overseas. À bientôt, merci à tous et à toutes. Gros bisous à Inès qui n'a pas pu être là et vivement qu'on te retrouve très cher. Et voilà, gros bisous, à bientôt, bye bye. Out of town, my work takes me out of town. I empty villages, I burn their houses down. I set up factories, lay out plantations, and bring prosperity to the poorer nations. To the poorer nations, prosperity to the poorer nations.